Vous écoutez Cinéphile de notre temps. De même qu'on n'oublie jamais quelle musique se joue lorsqu'on tombe amoureux, on n'oublie jamais les films qui nous ont fait aimer le cinéma. Et c'est Paul Schrader qui a dit ça à la revue Carbone. Est-ce que toi ça te parle, cette citation, Paul Schrader en général? Sachant que t'as mis Blue Collar, je crois, dans tes films dont on reparlera plus tard. Bah, c'est ma première interview Paul Schrader. C'est-à-dire que c'était un cinéaste que j'aime beaucoup et que j'aimais déjà très rapidement, parce que bon, il est connu en tant que scénariste de certains films de Scorsese, comme bon, Taxi Driver, qui est pour moi là, peut-être le plus grand film de Scorsese. Mais on oublie que c'est un très grand cinéaste, et en effet, Blue Collar, j'étais tombé en plus dessus par hasard, à une époque, il y a longtemps, c'est sur Canal Jimmy, j'avais regardé ça par hasard, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film, il est vraiment très très bien. Enfin bref, et après j'avais fait mon enquête, et puis à un moment donné, à la Cinémathèque, ils ont fait une sorte de coup de chapeau à Paul Schrader, et puis je trouvais ça un peu méprisant, même si en parallèle, ils faisaient au Festival de Belfort, il y avait une sorte d'hommage à Paul Schrader. Mais j'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment pris pour un grand cinéaste, c'était juste un bon petit cinéaste, sans plus. Et à l'époque, j'étais en stage au technicien du film, et je commençais à m'énerver à la Cinémathèque, je me disais « mais personne veut interviewer Schrader, mais c'est pas possible, il vient et tout, c'est trop dommage ». Et puis au technicien du film, pareil, mais où personne ne veut interroger ce grand homme, quoi. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Enfin, je comprenais pas, quoi. Et à un moment donné, il y a un des... À l'époque, c'était Stéphane Dumédildo, qui ensuite a travaillé au Cahier du Cinéma, qui est l'équipe des missionnaires par militantisme contre le rachat, qui à l'époque travaillait au technicien du film, et il m'a dit « bah fais-le, pour que t'as qu'à le faire ». Et du coup, nous, on gère, on est le technicien du film, donc en tant que tennis, tu y vas en tant que pigiste, critique, journaliste du technicien du film. Et c'est à partir de là où j'ai affronté mon premier grand démon, que j'aime beaucoup, qui est Paul Schrader. Voilà. Donc la petite histoire, c'est pour ça que ouais, c'est un cinéaste qui me touche beaucoup, parce qu'il y a aussi, par rapport à ma vie, un truc très proche, c'est qu'il a été, par rapport à une éducation assez stricte. Oui, très calviniste pour lui. Ouais, alors moi c'était plus juif libéraux, mais c'est un truc dont j'avais toujours rien à foutre, la religion, etc. depuis que je suis petit, hein, c'est vraiment un truc que je rejetais en bloc, pas parce que c'est précisément la religion juive, mais c'était parce que c'était la rigueur mystique religieuse de mon père qui s'était converti par zèle au judaïsme. Et que voilà, il nous avait vraiment mis dans une certaine violence, et que il avait donc parmi les trucs de rigueur débile comme ça, c'était pas voir de films un peu violents, même Rocky ou des trucs comme ça à 20h. Alors tous les potes le lendemain m'en parlaient, et moi j'étais comme un con, bah, j'avais pas vu les films, donc voilà, me mettait un peu dans une situation d'autisme de fait. Et du coup voilà, donc lui à 18 ans, je crois qu'il voit son premier film. Enfin, voilà, tout ça me parle. Et puis après, son cinéma, je trouve que c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il prend toujours des personnages assez atypiques, voire pas aimables. C'est-à-dire un gigolo, c'est-à-dire un dealer. Enfin, pas aimables par rapport à l'acceptation du cinéma traditionnel. Ce n'est pas des personnages qu'on aime avoir en tant que protagoniste. Et je trouvais ça très beau ce qu'il en faisait avec ces personnages. Et jusqu'à la fin, d'arriver à un certain état de grâce, aussi bien le personnage que sa mise en scène. Mmh. Et c'est pas, j'aime beaucoup un de ses derniers films avec Ethano, qui est une sorte de variation autour du journal de la curée de campagne, qui est magnifique. Quoi. Et voilà, Schrader, forcément. Parfait. C'est un bon début, parce qu'on sent déjà avec la station que, est-ce que tu nous en as dit, que le cinéma est très lié donc, à ta vie. Et puis la cinéphilie, je termine juste Schrader là-dessus, c'est qu'en effet, ayant vu tardivement des films, enfin, moi je dis pas que j'en ai pas vu du tout depuis que je suis petit, etc. J'en ai vu, mais c'est genre Walt Disney, des films, voilà, bon, le gros truc tout public. Mais qu'à partir de l'âge où lui a commencé à voir pareil des films, ça marque, parce que c'est des films, là c'est cinéphilie. Enfin, on est âgé, donc du coup, par rapport à un bébé ou je sais pas quoi, on a tout d'un coup, on est âgé, on a vraiment une... On a conscience de ce qu'on regarde. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, pour moi, ça a du sens qu'en effet, lui va retenir amoureusement. Enfin, toi, il y a quelque chose qui va le marquer à cet âge-là, quoi. C'est un âge où tu es marqué forcément par le cinéma, je pense. Eh ben, je vais essayer de te présenter après ça. Tu es entre autres réalisateur de films, de toutes formes et de tout format. Tu es membre de divers collectifs aux noms joyeux comme Curie Vavar ou Home Cinéma. Tu ne rates pas une occasion d'écrire sur le cinéma jusqu'à créer ta propre revue, Insert. Tu organises des projections, parfois interactives, dans des lieux alternatifs. Tu as ouvert des lieux abandonnés pour en faire des lieux de vie, Le dernier en date étant le cinéma La Clé à Paris, qui a été abandonné en 2018 aux mains de son actionnaire principal, qui voulait en faire un lieu privé, et priver ainsi le quartier et la ville de son dernier cinéma associatif. Donc tu es un professionnel du cinéma protéiforme, qui s'adapte à chaque lieu et à chaque entité qui l'accueille, en restant fidèle aux films que tu aimes et qui te suivent depuis longtemps. Ces films forment ton regard sur la vie, et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux de te recevoir. Bienvenue Derek Wolfenden, et merci de répondre à nos questions. Ben merci, alors juste, ouais, alors privé, oui c'est un propriétaire privé, ça je ne mets pas ça en cause, mais c'est... Donc sur le cinéma La Clé. Ouais, sur le cinéma La Clé, après ce que, enfin, voilà, c'est l'omerta qui me pose problème, et en effet il y a plein d'indices qui fait qu'il y a de la spéculation, ça c'est là-dessus. Ensuite pour ouvrir des lieux, enfin c'est surtout mes copains, enfin moi toi, particulièrement c'est le cinéma La Clé, mais c'est vraiment, on peut pas dire je à ce niveau-là, c'est vraiment des collectifs, et voilà, Curie Vavard, j'ai contribué... même pas en fait, même le groupe Belek, non, mais par contre Shakira, il faisait partie, voilà, de la clique qui a ouvert le lieu, mais moi je suivais les meneurs qui avaient les papiers qu'il fallait, j'étais vraiment juste, comme on appelle ça, un bras droit, quoi, voilà, vraiment, et encore un bras droit, je suis gentil, le bras droit du bras droit du bras droit, en gros, quoi. Voilà, c'est juste La Clé où exceptionnellement j'ai été, on va dire, meneur, j'ai créé une asso en tant que groupe, j'étais président, etc. Mais voilà, c'est vraiment une aventure collective. Après, c'est marrant parce que tu t'as dit au nom joyeux, mais il y a un collectif dont je fais partie qui n'est pas joyeux. Dans l'appellation même du nom, c'est négatif, collectif négatif. Donc c'est un collectif de cinéma expérimental. Voilà, mais alors, où on s'est surtout des potes, où on est proches dans nos affinités, on va dire intellectuelles et je pense aussi quelque part politiques. Oui. Mais on n'est pas forcément proches dans notre approche formelle sur le cinéma expérimental. Mais bizarrement, on marche bien ensemble. Après, vous avez peut-être choisi négatif aussi. C'est pas forcément négatif justement, mais par rapport à la photographie. Ouais, oui, exactement. Oui, c'est, mais c'est, voilà, il y a un petit côté pied de nez. Ça, c'est Yves-Marie, il adore jouer comme ça sur les mots. Il adore Harakiri, tout ça, pas tout ça, voilà. Pour rejoindre tout ce que tu disais par rapport au collectif, la première question qu'on t'a posée vis-à-vis du portrait, c'était la question du combat au cinéma. Quel combat tu serais au cinéma ? Et tu nous as cité pléthore de films, justement en essayant de restreindre un peu ce choix parmi tous les films que tu nous avais donnés. Je t'ai demandé s'il y en avait un en particulier, spirituel, qui te parlait un peu plus. Et bon, aujourd'hui, je t'en dirai un, mais finis la question. Mais je vais jouer le jeu, parce que tu vois, c'est chaque jour ou chaque... Oui, justement, personne, c'est ça. Différente. C'est dans un combat différent. C'est ça. Ok, bah là, je peux répondre à la question dans l'immédiateté. Ouais, ce sera. Mais par l'écrit, en effet, il y a plein de trucs qui deviennent, c'est pas possible. Mm-hmm. Mais donc, je t'en prie, vas-y. Bah, ce serait le combat de Zato Ishii, le combat final qui je trouve magnifique. Moi, qui me fait pleurer. Dans la version de Mizumi, c'est ça. Ouais, dans la version de Kenji Mizumi. Ouais, bon, c'est la plus belle. Est-ce que tu veux nous décrire un peu justement cette scène et pourquoi elle te touche ? Alors c'est compliqué, il faudrait raconter tout le film, mais je ne vais pas essayer pas non plus de vous la raconter. En gros, c'est Zato Ishii, c'est un sabreur aveugle qui est une sorte de dextérité de la lame extraordinaire. Et puis là, comme on imagine qu'avec ses oreilles, il a un système de radar qui où il le rend quelque part limite encore plus fort que n'importe quel sabreur, alors qu'on pourrait croire que c'est un handicap. Donc après, la mise en scène est magnifique. L'handicap, où elle fait genre que c'est un handicapé, et en fait, c'est le plus grand, peut-être, sabreur du Japon à ce moment-là. Et donc, la mise en scène crée toujours des situations où il est mal barré, et puis à chaque fois, comme dans une bande dessinée ou un dessin animé, évidemment, il a le don de rétablir n'importe quelle situation désastreuse à son égard. Et il va y avoir une relation amicale, il va travailler comme une sorte de mercenaire. Donc il vit un peu aussi en tant que mercenaire, un peu comme les Baby Cartes, la série qu'a créé aussi Kenji Misumi, d'après tout aussi un manga. Ouais. Et il va s'attacher avec une sorte de sabreur malade. On voit, il a une touche, enfin, il va pas bien, c'est peut-être la fin de ses jours, alors qu'il est jeune, hein, mais il a un souci dans les poumons, je sais pas trop ce qu'il a. On sent qu'il va mourir, quoi. Et il y a une relation extraordinaire entre les deux. Voilà, qui se rend compte naturellement, c'est une vraie amitié, quoi. C'est pas une amitié d'enjeu, etc., politique ou je sais pas quoi, c'est une vraie amitié. Ils parlent des choses simples de la vie et ils savent tous les deux qu'ils sont des très grands sabreurs. Et malheureusement, à un moment donné, l'autre sabreur, il va être engagé de l'autre camp. Et ils n'ont pas la même dynamique. Autant Zato Ishii, il ne veut pas se battre avec lui, donc évidemment on imagine la dynamique qui va se produire à la fin, ils vont forcément devoir se battre, et c'est ça qui est très très beau, c'est que Zato Ishii, c'est hors de question pour lui de se battre contre son ami, alors que l'autre, comme il va mourir, il y a un autre enjeu, c'est qu'en fait, voilà, c'est quand même une relation, il veut mourir de la main quelque part de Zato Ishii, ou en tout cas tuer Zato Ishii et faire le meilleur combat de tous les temps et de mourir après ce combat à la rigueur, qui va de sa maladie ou pas, quoi, qu'importe, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et c'est très beau, en fait, cette dynamique contradictoire entre l'autre qui se fait violence lui-même pour pas se battre contre son ami, alors qu'il est obligé de le faire pour survivre, et l'autre qui veut soit tuer Zato Ishii pour mourir heureux et comblé, ou mourir de sa main encore mieux quelque part, comme une forme d'harakiri, quoi. Et voilà, après, la fin, bon, je la révèle, je suis obligé, mais évidemment, Zato Ishii, il tue, parce que Zato Ishii, quelque part, il peut pas mourir, quoi. Il tue son adversaire, et là, t'as l'adversaire qui est contre lui, dans son cou, comme ils sont comme presque enlacés, sans les bras, évidemment, mais l'un est posé sur son cou, et Zato Ishii, il est en sanglots, quoi. Il pleure, et là, moi, je suis là, c'est pas possible, quoi. C'est une scène vraiment très très belle. Et l'autre, et on voit, il est ému à mourir, c'est ça. Et il est ému et de mourir de la main de Zato Ishii. C'est vraiment une sorte de... Pour moi, c'est le moment fatidique de l'amitié pure et dure. Voilà, pour moi, c'est les plus beaux amis du monde. C'est un truc... Et à la fois contradictoire, parce que ce n'est pas notre culture, mais qui cristallise quelque chose qui, pour moi, est de toute culture généralisée. Ça, c'est la magie du cinéma. C'est la tour de Babel, mais on se comprend. C'est la langue universelle. Voilà. Même si on ne partage pas les mêmes codes, les mêmes rites, ou je sais pas, les mêmes traditions... Bah, dans ces moments-là, on comprend tout. Enfin, il y a un truc très bizarre, très limpide, très clair, très pur. Quoi. C'est vrai. Voilà. Et pourquoi justement c'est le premier combat qui te revient en tête ce matin et dont tu as envie de nous parler ? Parce que le collectif, on est en train de vivre une situation très compliquée avec ce qu'on appelle un pervers manipulateur. Ouais. Et le principe de pervers manipulateur, c'est de faire mal, toucher là où ça fait mal. C'est de la prédation. Hein. Et voilà, c'est à un moment, la pire violence, c'est se faire violence. C'est-à-dire ne pas réagir, rester zen, calme, etc. Et du coup, là, je pensais à Zato Ishii qui doit se contenir, qui ne veut pas se battre, et à un moment donné, il va devoir se battre, et c'est compliqué. Mais justement, je pense à autre chose par rapport à cette réponse et à toutes celles que tu nous as faites par écrit. C'est que tu avais du mal à choisir qu'un seul combat, parce que tu nous disais que c'était comme diverses techniques martiales qu'il faut expérimenter tout au long des 9 mois d'occupation. Et ce que je trouve assez beau, c'est qu'il y a des gens qui parlent par métaphore, par exemple, et toi, tu parles de ce combat par des scènes d'action, en fait, par des scènes de combat en général. Parce que c'est très beau, regarde les westerns, c'est des duels, mais c'est quelque part, c'est des combats. Ouais. Chaque duel représente aussi une idéologie, hein, ça représente une pensée même politique ou même, je sais pas, narrative très forte, symbolique, comme je vous ai décrit Zato Ishii, c'est, voilà, ça synthétise, ça épure une idée de l'amitié extraordinaire. Voilà, c'est pas juste un combat. Et même dans les films, des bons films d'arts martiaux, un combat est ultra important dans les enjeux que représente l'un envers l'autre. Et en général, il y a une sorte de respect extraordinaire. Et d'ailleurs, dans les vrais arts martiaux, moi, il y a un de mes meilleurs amis qui est taekwondoïste professionnel, que j'ai suivi à Copenhague et en Corée, puisque ça vient de la Corée, cet art martial. Et c'est fou, l'amour qu'ils ont pour l'adversaire en face. Alors qu'ils se donnent des coups de folie. Mais ils se chattent entre eux sur Internet, et puis ils ont un respect de partager le savoir de l'autre par comment il va se battre contre soi, comment il se bat, et comment il va donner, en fait, il va offrir. Et eux, ils voient ça comme un cadeau, quoi. Ils voient pas du tout comme un truc, il va me lyncher, j'ai peur, je sais pas quoi. Évidemment, il y a de la peur, etc., mais il y a surtout, et c'est pour ça que les professionnels, c'est pour ça qu'ils continuent le taekwondo, ou les boxeurs continuent la boxe, c'est la fascination de comment il se bat, comme un jeu d'échecs, quoi, comment je vais me placer par rapport à lui. Et c'est une joute amoureuse presque, c'est presque une sorte de rixe amoureuse à ce moment-là, quoi. C'est très très beau. Oui. Et vraiment, j'étais fasciné par ce respect amoureux entre deux combattants, quoi. Voilà. Et les bons films d'arts martiaux, c'est ça, hein. Que ce soit même un film de boxe, comme le film de Walter Hill, le bagarreur, à la fin, il va quand même se battre pour sauver son manager foireux. Je trouve ça très beau, quoi. Au lieu de partir comme un cow-boy, il sauve pas du tout la veuve et l'orphelin, il va sauver quand même un manager foireux, quoi. Et je trouve ça très beau, quoi. Non, mais c'est vrai que tu nous as livré pas mal de films, justement. T'as des films d'exploitation, de la Shaw Brothers, des classiques, donc comme Mizumi ou même... un film de Kurosawa, et c'est à la fois des films qui sont d'un côté très brutaux et d'autres qui sont très gracieux, en fait. Donc peut-être qu'on pourra faire une liste en description de tous les films que tu nous as conseillés, parce que... Ils étaient tous intéressants. Mais en deuxième partie de Portrait, on t'a demandé si tu étais une salle ou un festival au cinéma, lequel serais-tu ? Tu étais aussi très prolifique sur ta réponse. Est-ce que tu veux nous en donner quelques-uns que tu te souviens ? J'avais écrit quoi d'ailleurs? Alors, tu nous avais parlé de la cinémathèque lorsqu'elle était sur les grands boulevards, aussi du Max Linder. Ouais, le Max Linder, c'est qu'une salle, et puis la magie de ce cinéma, c'est que bon, il est panoramique, c'est-à-dire que même si t'es trop sur le côté gauche, bon, en fait, t'es tellement hypnotisé par le film, t'oublies que t'es sur le côté, parce que l'écran est panoramique, du coup, ça triche tellement sur tes yeux, ouais, que c'est joli. Puis t'as un balcon, quoi. Et puis tu peux étaler tes jambes. Moi, j'ai des grandes jambes. Non, pour moi, c'est vraiment le. Et puis c'est un cinéma qui a passé des films, qui prend aucun risque sur le choix de ses films, faut être clair. Mais c'est quand même souvent des grands films qui font autorité, que t'attends et que tu sais que tu vas aller voir, quoi. Que ça peut être le dernier, je sais pas moi, peut-être De Palma, Scorsese, je sais pas. Enfin voilà. C'est le rendez-vous, tu sais que c'est là que tu dois aller pour voir le film que t'attends, quoi. Eyes Wide Shut, par exemple, c'est là où je l'avais vu. Enfin, tu sais. C'est quand il y a un film comme ça qui va sortir d'un cinéaste qui est quand même quelque part important, c'est là où tu vas. Enfin, moi, c'est là où j'allais, en gros, quoi. Mmh. Voilà, t'as ça. Et puis après, les grands boulevards, c'est parce que c'est la cinémathèque. Avant, elle était à Chaillot, juste à Chaillot. Ensuite, elle a été, je crois, à Chaillot, à République. Je crois que j'ai vu une séance ou deux à République. Et ensuite, tout en restant à Chaillot, elle s'est déplacée au grand boulevard. Mmh. Et au grand boulevard, c'était magique parce qu'il y avait un truc beaucoup plus populaire, beaucoup plus central. Et surtout même le choix des programmations de la Cinémathèque Générale. Alors il y avait le côté un peu noble, c'était à Chaillot, les grands cinéastes, Bergman, Pasolini, tout ça. Alors que j'adore, c'est pas la question. Mais, un peu classique. Ouais, mais dans le Grand Boulevard, c'était l'expérimental, les séances du cinéma bis, ou sinon des cycles comme la Shaw Brothers, ou des cycles sur rétrospective Carpenter, Argento, Romero, c'était au Grand Boulevard. Et voilà, et là, c'était un peu le truc un peu mal famé dans cette salle qui n'était pas le côté prestige, Chaillot, la nouvelle vague qui s'est rencontrée, blabla et blabla. Là, pour moi, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Puis c'était une salle très belle. Enfin, la manière dont elle était disposée. Et puis même aussi par rapport à l'accueil, là, c'est plus des agences d'intérim qui sont engagées. C'est vraiment des purs cinéphiles, mais même des fois des qui étaient mal polis comme c'est pas permis. Et en même temps, des fois adorables. Je m'en souviens très bien, au Grand Boulard, c'était un caissier qui t'engueule parce qu'il voulait voir le film et que tu arrives avec 5 minutes de retard. Il t'engueule parce que moi, je devrais être en train de regarder le film et tu me fais louper les 5 premières minutes à cause de ton retard. Enfin voilà, enfin, c'était ça. Et d'un autre côté, il y avait un autre, par exemple, c'était il me manquait, je sais pas, alors à l'époque c'était en francs, il me manquait 5 francs. Bah, le mec, il me file 5 francs pour que j'aille puisse voir la séance, quoi. Enfin voilà, bah, ça, c'est des. C'est tout un ensemble, si tu veux, où les grands vouloirs, c'était magique. Et, alors tu nous as fait d'autres réponses aussi. Tu nous as parlé de La Catène, où tu as découvert. Salaud ou les 120 journées de Sodome. Tu nous as parlé d'étranges festivals aussi. Tu nous as dit que le Max Linder, tu y avais vu Eyes Wide Shut. Donc j'ai l'impression que ces lieux, tu les associes à des films qui sont parfois un peu charnières dans une cinéphilie, en tout cas. Oui, après, c'est des films de répertoire de facto par rapport à la politique des auteurs. Donc Max Linder, un grand cinéaste qui fait un nouveau film, soit bon ou mauvais, en général, il le passe. Et puis ensuite, Quartier Latin, le film plutôt de patrimoine que j'allais voir, quoi. Mmh. Donc, il y en a peut-être un que j'ai oublié, c'est les Cinoches, petit cinéma que j'aimais beaucoup, parce que j'avais découvert Orange Mécanique. Et je m'en souviens qu'à l'époque, ils n'étaient pas à cheval sur les trucs de sécurité, et que j'avais vu Orange Mécanique, tu vois, la chaise sur laquelle tu es, j'étais vraiment, vraiment au niveau du mur, là, derrière. Et, et l'écran était exactement là, et j'étais comme ça, quoi. Ouais, donc il n'y avait pas besoin de la 3D ou je sais pas quoi, j'avais pris vraiment Orange Mécanique en pleine gueule. Et puis évidemment, c'est ça. À peine j'avais 16 ans, allez on va le voir, parce que c'était un temps moins de 16 ans avec les carrés dans l'officiel des spectacles, c'était drôle. Et c'était la fête du cinéma et on enchaînait plein de salles de Quartier Latin, etc. Donc voilà, salle de Quartier Latin, c'était jouissif parce qu'ils prenaient les films en seconde main. Donc grâce à ces petites salles, le film, on pouvait encore le voir en salle. Donc voilà, on pouvait attendre et espérer, et en effet, souvent, ces petites salles permettaient qu'on le voit au cinéma, ces films-là. Et du coup, après, exceptionnellement, des fois, je me souviens, après, il y a plein de films que j'ai vus que je me souviens plus où, alors que j'ai adoré les films. Mais sur le prochain film là, dont tu nous avais parlé, parce qu'on t'a demandé une scène de sexe au cinéma, et tu nous avais parlé de Pulsion, de Brian De Palma, et ce que j'avais trouvé assez marrant, c'est qu'on t'a demandé une scène de sexe, et dans l'anecdote que tu nous as racontée, c'est tu y réponds par une scène de meurtre. Donc je te laisse répondre ce que tu tiens du film dont tu nous avais parlé ou pas. Si je me souviens du film Pulsion. Ouais. Ah bien sûr. J'adore ce film. Mais après, pour moi, une scène de sexe au cinéma, en soi je suis pudique, soit il y en aurait trop que je pourrais. Et je trouvais que c'était plus drôle de vous raconter cette anecdote. Parce que vraiment j'étais mal à l'aise pendant le film. parce que par rapport à... Voilà, normalement, je voulais aller au cinéma avec, j'allais avec un pote ou deux, etc. Et puis, je commençais vraiment à être cinéphile sérieusement. Et... Non, même pas en vrai. En plus, je crois que c'est, je sais même pas. C'est un peu un miracle cette situation. C'est voir un film de deux palans, un vieux film. Et j'arrive plus à cerner exactement quand c'était. Je crois que j'étais au lycée, que j'étais plus trop au collège et que du coup j'étais resté en contact dans le quartier avec plusieurs personnes. Et elle, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et que personne de mes potes ne voulait aller voir le film. Personne n'était dispo, quoi, en gros. Ou personne ne voulait y aller, qu'importe. Et donc, je me suis rapatrié sur des potes comme ça, copines, que je trouvais mignonnes, voilà, juste, mais pas pour faire quoi que ce soit. C'était juste pour être avec quelqu'un de sympathique et aller au cinéma, quoi. Et donc, j'appelle, désespérance, que je voulais pas y aller tout seul. Non pas que j'ai peur du film que j'allais voir, mais j'avais la flemme. Et en même temps, je voulais tellement aller voir le film, et j'avais tellement la flemme d'y aller tout seul, que j'appelle cette pote. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous, elle était dispo, j'étais content. Et là, je me rends compte, merde, malentendu, quoi. Elle était super sexy, parfumée à balles, etc. Et du coup, j'étais très mal à l'aise, parce que moi, j'étais vraiment limite en guenille et tout. Enfin, j'étais vraiment très, très mal à l'aise. Et je m'en souviendrai toujours, on allait voir Pulsion, et quelque part, je me confortais dans l'idée de voir un film de thriller, quoi. Où, oui, potentiellement, il y a meurtre, je me souviens pas, je m'étais vraiment bien renseigné sur le film, je pense qu'il y avait des éléments qui me touchaient, vite fait, et qui n'étaient pas du tout dans ce rapport de force, de couple, etc. Et du coup, on s'est retrouvés dans le film, et là, De Palma, ça m'a fait rigoler. Donc, c'est ma première rencontre avec De Palma, c'est presque une rencontre amoureuse, parce qu'il m'a quand même bien eu. C'était, je connaissais pas son cinéma, et je me rends compte que la première demi-heure, c'est, on dirait, un film érotique sur M6, mais vraiment. Oui. Image vaporeuse, scène de cul, tout de suite, ça commence. Et là, j'étais à côté de la fille, et j'étais vraiment pas bien. J'étais, non, mais c'est pas possible, quoi. Vous étiez, enfin, entre guillemets, jeune. Oui, mais comment je vais me sortir de ça? Parce que là, c'est carrément une déclaration d'amour à la fille, quoi. Enfin, en tout cas, une envie libidinale avec elle. Enfin, clairement, quand on voit le film, je fais waouh. Et heureusement, tout d'un coup, il y a scène de meurtre. Et là, je fais ouais, enfin. Je ne me suis pas trompé de séance et tout. Et là, je me dis, les choses sont claires, c'est pas si évident que j'ai envie de la draguer ou je sais pas quoi. Ça me sauve, quoi. De cette culpabilité bizarre que j'aurais assumé, hein, mais là j'assumais pas du tout ça. Et puis après on est sorti du film, moi j'étais content d'avoir vu ce film. Et puis, elle était contente elle aussi ? Ouais, et puis là après le film, bizarrement j'étais mon pote, j'étais toujours timide, mais là j'avais des envies sur elle. Tout d'un coup, très bizarre. Voilà, j'avais des envies sur elle, mais j'étais trop timide et c'était pas possible. Et puis je suis parti, je fais bisous et puis je me suis cassé. Et puis je sentais qu'il y avait une déception. Alors évidemment, moi j'étais déçu parce que j'avais rien fait, mais je sentais qu'elle aussi était déçue que jusqu'au bout elle ait osé espérer quelque chose. Et puis voilà, j'étais trop timide, j'étais pas prêt, quoi. Voilà. Tout ça autour de Pulsion de Brian De Palma. Mais bah écoute, là, c'est bien puisque tu me parlais un peu des circonstances dans lesquelles tu voyais des films, mais c'est notre prochaine catégorie de questions. C'est ça. En fait, on t'a posé une question en sachant que tu avais une belle collection de VHS. Et on a eu envie de te poser une question là-dessus et élargir aux conditions de visionnage, ce que tu as fait dans ta réponse, justement, parce que tu nous as parlé de tes cassettes mythiques de René Château. Tu nous as parlé aussi des programmations de cinéma, comme le cinéma de minuit de Patrick Brion sur France 3 ou le ciné-club de Frédéric Mitterrand sur France 2. Tu nous as parlé de vidéo-club, comme Vidéo Futur ou Vidéosphère, puis de la fête du cinéma. Et tu nous as parlé en général de ton attachement à certaines conditions de visionnage pour voir les films. Est-ce que tu veux répondre ou tu veux que je reprécise encore certaines de tes réponses ? Non, pour moi, c'était de la drogue, hein. C'est du cinéma, enfin, j'étais drogué de cinéma, et il y avait un truc, une anecdote peut-être que j'ai pas raconté, qui est marrante, mais qui en dit peut-être long aussi sur ma consommation de films et mon besoin de consommer des films. C'était tout ça, vous imaginez qu'à un moment donné, il y a plusieurs films qui passent en même temps. Voilà, et c'était souvent le cas, puisque c'était le début du câble aussi, avec Canal Jimmy, Paris Première, et puis après, c'était après les ciné-cinéma, tout ça, c'était bien après. Et il y avait Canal+, que j'avais pas, il y avait les chaînes publiques, et des fois, souvent, il y avait des trucs à partir de minuit qui pouvaient être intéressants sur plusieurs chaînes. Et là, j'avais des copains. J'ai toujours eu beaucoup de potes. Et là, il se trouvait qu'il y avait des potes donc dans mon quartier, Montmartre, etc. Voilà, j'avais encore pas mal de potes. Et il y en avait un qui avait le câble, un autre qui avait aussi le câble, il y en a un autre qui avait Canal+, etc. Et donc, à partir de là, en fait, quasiment tous les jours, il faut savoir que j'allais chez 3-4 potes mettre mes graines de VHS vierges pour qu'ils m'enregistrent des programmes. En gros, voilà. Donc, c'était sur des cassettes de 4 heures pour en avoir deux. De pas trop mauvaise qualité, parce que j'enregistrais pas sur LP, VSP et LP. Et ça compressait vraiment, alors c'est pas la compression numérique, hein. quand c'est LP, c'est ignoble, quoi. Donc du coup, c'était cassette de 4 heures, et je mangeais le soir, parce que j'étais invité à, forcément, moi je mangeais à l'anglaise chez moi, donc c'était plutôt 18h30, 19h, et quand je commençais à me foncer à droite et à gauche, c'était entre 20h et 21h, et donc voilà, j'avais je mangeais, j'étais invité à chaque fois. c'était de la drogue, hein, je sais pas comment ils ont fait pour me supporter, les copains, enfin, parce que vraiment je passais quasiment tous les soirs. Et tu les regardais après ouais. Avec eux ou tu les... Non, tout seul, parce que je chantais que ça les saoulait, puis enfin c'était pas la drogue cinéphile comme moi, quoi. À la rigueur, ce que je faisais avec eux éventuellement, c'était peut-être aller au cinéma, voilà. Et tu les voyais beaucoup, ces cassettes? Parce que justement, tu nous as parlé de ta cassette de La Ligne Rouge de Terrence Malick, par exemple, qui, à force d'être vue, ont eu des couleurs complètement saturées, que tu trouvais assez belles, visiblement. Ouais, bah c'est Guerre du Pacifique, c'est un bleu... Enfin, la lumière, elle est folle dans le film. C'est quand même le réalisateur des Moissons du Ciel. Ouais. Donc voilà, il a quand même une certaine sensibilité là-dessus. Et... Oui, puis après, moi, je sais pas, ce film-là, avec la VHS, il y a une sorte, au-delà même de la saturation que j'aimais après, tu sens déjà qu'il va y avoir de la saturation. Enfin, la VHS, c'est quand même particulier, il y a un grain bizarre. Oui. Il y a le numérique qui vient un petit peu rendre le truc un peu clinique et glaçant de l'image. Il y a du grain dans la VHS qui m'a toujours plu. Et plus je visionnais, en effet, à cette VHS-là, et plus... Elle avait du grain. Ah ouais, plus elle avait du grain, et plus j'adorais que ça sature, ça bave même. J'adorais le côté « ça bave », quoi. Ça a les couleurs de la gouache, mais ça bave comme de l'aquarelle. Enfin, je trouve ça fou. Enfin, ouais, je trouve ça très, très bizarre. Il y a quelque chose d'un petit peu sale, à la limite. Enfin, en tout cas, c'est pas lisse comme le numérique aujourd'hui. C'est vrai que ça devient presque organique, quoi, au fil des visionnages, on va dire. Ouais. Et est-ce que c'est des films que tu as revus après au cinéma et qui t'ont marqué autrement ou tu as fait la différence? Bon, La Ligne Rouge, je l'ai vu d'abord au cinéma. J'ai vu 3-4 fois au cinéma. Ça m'a vraiment... enfin, c'était un film qui était vraiment important pour moi, d'autant plus que je le surestimais au début. Et quand je l'ai vu, c'est très rare, enfin, il m'a surpris. Alors que normalement, quand on surestime un film, on est déçu quand on le voit en salle. Et là, il m'a d'autant plus surpris, c'est que je m'attendais à un truc de ouf. Et c'était un truc de ouf pour moi. Voilà. Et puis il y a une scène qui est pour moi presque de l'ordre de la psychanalyse, hein, c'est thérapeutique, il y a une scène qui me fait pleurer. Donc quand j'ai une situation qui est grave dans ma vie et que je sens que j'ai besoin comme de vomir et que j'arrive pas à vomir, normalement pour se faire vomir on met les deux doigts, bah moi pour me faire pleurer je vois ce film, c'est comme me faire mettre les deux doigts pour vomir. Et pour pleurer il faut que j'aille voir une séquence très particulière du film où j'ai pas besoin de me retaper tout le film. Il y a juste une séquence vraiment charnière dans le film et là je sais que bon c'est parti, quoi. C'est très, très, très particulier, pourtant c'est pas une scène a priori triste, genre un mélo, ouais, propre à un mélo ou je sais pas quoi, c'est juste voilà, un truc dans le montage, dans le rapport à la musique et du son qui fait que... Enfin, d'ailleurs qui fait très bien, il le fait aussi dans la fin du Nouveau Monde, la mort de Pocahontas. Voilà. Ouais. Il y a dans le rythme du montage et même dans la pudeur de comment il filme ce moment-là, voilà, je trouve qu'il y a une sorte de vertige qui crée une émotion particulière vraiment, et ou qu'il maîtrise très très bien, quoi. Toujours sur les conditions de visionnage, tu nous as parlé aussi du fait qu'elles étaient capitales pour toi parce qu'elles complémentent le regard sur un film et que finalement la salle est un peu comme un écran aussi par rapport au film. Et tu parlais entre autres de ta découverte de The Sorcerer de William Friedkin à l'Étrange Festival et dans une copie 35mm assez rare. Est-ce que tu as encore un attachement justement à la pellicule, toi, ou... Oui, mais peut-être moins que les forcenés qui fait. Mais après, non, où j'ai un attachement, c'est ça me rassure parce que c'est matériel vraiment, et c'est plus ça me rassure en tant que historien ou si j'étais restaurateur de films, c'est vraiment ça me rassure que le film existe encore en pellicule, vraiment beaucoup plus qu'un fichier numérique qui peut être droppé. Enfin là, moi, ça me fait vraiment peur. Ouais. C'est après la question de diffusion du film, franchement. Non, moi, ce qui m'avait marqué pour le Friedkin, c'était les vraies couleurs, c'était plutôt ça. Alors que le numérique, il aurait pu respecter exactement les couleurs, je n'aurais vu que du feu. Mais le problème de la restauration, que c'est même le cinéaste lui-même qui l'a fait, de Friedkin, c'est, et je l'ai rencontré, hein, Friedkin, c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais pour moi, il a fait une erreur énorme dans la restauration, c'est qu'il a trahi son film. Parce qu'il a tellement été traumatisé par la sortie sale de son film qui n'a pas marché, qu'il a voulu presque refaire un film en retravaillant trop les couleurs et en les saturant avec les couleurs primaires. Alors que la beauté de son premier film, c'était justement la gadoue, quoi. C'est une sorte de presque monochrome de couleurs d'essence, enfin, un truc un peu bleuté, chelou. Enfin, c'est pas un vrai vert, quoi. C'est un vert dégueulasse, quoi. Et c'est magnifique. Et pour moi, il a un peu détruit son film dans la restauration, quoi. Ouais. Mais après, il y avait, par rapport à l'expérience en salle, oui, des fois, c'est très touchant, l'expérience de la salle. Parce que c'est y a un truc qui va se communiquer. Et j'ai pas parlé d'un autre film, parce que j'ai parlé, de Halloween. Je sais pas, bien le longtemps remake, après, le remake, le dernier remake en date. Mais il y a un film que, à Cinémathèque, moi, je faisais les sous-titres. Je relevais les sous-titres et je les envoyais manuellement avec des écouteurs pour j'écoutais du coup la réaction de la salle. Et j'envoyais les sous-titres en écoutant aussi le son même de la salle, etc. Donc je voyais manuellement chaque sous-titre, tac, tac, tac. Et c'était très émouvant, une de mes plus belles expériences de film. C'était un film où c'est un très grand film, pour plein de raisons, et qui n'est pas connu. Et là, tout d'un coup, on ressent, et ça c'est très bizarre parce que c'est imperceptible, mais on le ressent pourtant, que tout le monde est d'accord que c'est un grand film. Je sais pas comment expliquer. Et ça m'avait fait ça pour The Gay Desperado de Ruben Mamoulian. Et moi, j'écoutais la salle, les réactions de la salle, et je découvrais le film en même temps aussi. Et c'était un très grand film. Et en plus, quelque part, il y avait une sorte de... où ça interagissait. Et je sais pas et comment expliquer. C'est assez magique, une salle, quand ça se passe comme ça. C'est indescriptible, mais on ressent tous qu'on a vu un grand film, et pourtant, personne ne se l'est dit concrètement. Mais voilà, c'est un peu magique, c'est assez mystique ce que je dis, mais... Ah oui, non, pas du tout, enfin, oui, mais on comprend ce que tu veux dire par là, en tout cas. Mais c'est très touchant l'expérience de la salle pour ça, plus que je pellicule ou pas pellicule. Oui, c'est vraiment l'expérience du film en salle, quoi. Ouais, puis l'interaction des gens qui se connaissent pas, et puis rien que par un rire ou une réaction particulière, il va y avoir peut-être une sorte de communication invisible, comme ça, qui va s'opérer, ou inconsciente. Une sorte de rêve collectif, comme ça, il y a un truc très très bizarre qui se produit. C'est ça que pour moi, je suis attaché, je pense, à l'expérience de la salle, peut-être plus pour ces questions, pour ces raisons-là, en fait, quoi. Peut-être qu'on sort de la salle, justement. On sait que tous les vendredis, à la clé, vous faites des projections en plein air. Et c'est pour ça qu'on t'a demandé... quels seraient pour toi les films idéaux vraiment à voir dans ces conditions-là? Et tu nous as cité donc Safety Last, un film avec Harold Lloyd. C'est avec le plan de la de cet homme accroché à l'horloge dans la rue comme ça, et puis Fenêtre sur cour, en nous disant qu'il n'y avait pas besoin de préciser tellement c'était évident. Est-ce que tu peux quand même un petit peu préciser? Malgré le fait que c'est évident, justement. Bah, le plein air, c'est particulier parce que déjà, on impose des films à un public, alors il faut prendre ça en considération. Donc on impose des films, on propose plus des films parce que les gens ils vont dans nos salles voir des films. Là on impose, c'est-à-dire qu'il y a un quartier, il y a des gens qui habitent à telle ou telle fenêtre, ils vont se taper le son et l'image. Donc voilà, on impose. Donc déjà, un choix de film déjà plus populaire, pour pas les braquer avec des films trop violents où là en plus ils sont pas demandés à voir ça et on leur montre une double dose, quoi, si tu veux. C'est compliqué. Et il y a aussi le facteur inconfort du spectateur. Il est debout, même s'il est chez lui, avec la fenêtre ouverte, s'il fait froid, il se tape les courants d'air. S'il est dans la rue, il est debout ou assis sur les caniveaux, enfin sur le trottoir, quoi. Et en plus, c'est en hauteur, il doit lever la tête tout du long, quoi. C'est un peu compliqué, c'est pas le confort du spectateur ici dans une salle, quoi. Et qu'est-ce qui est le mieux pour le faire oublier ça? Ben, c'est l'interaction réelle et immersive. Donc c'est se voir presque comme dans un effet de miroir dans le film, quoi, pour lui faire oublier son inconfort, quoi, ou ses problématiques, il me dérange à cette heure-là, etc. Donc Fenêtre sur cour, c'est les voisins qui regardent de leur fenêtre le mur, donc c'est tout d'un coup, ils se regardent eux-mêmes, et ça je trouve ça super drôle, et en même temps c'est Hitchcock, et c'est tellement bien raconté, et puis c'est un film parfait pour raconter le cinéma aussi, Fenêtre sur cour. Sauf que c'est des poupées russes à l'infini. Ah oui, complètement. Hein, donc là, c'est génial, parce qu'en plus, nous, on a des sortes de pavés qui représentent cet écran, etc. Donc c'est un puzzle de plein de voisins, etc. Enfin, je trouve que le film est assez fascinant pour ça. En plus, il se passe de nuit souvent, et c'est les gros enjeux du film, se passent de nuit. Donc là, nous, on est obligé d'avoir la nuit pour projeter. Et puis après, pour Safety Last, il y a un truc très circassien. C'est le burlesque, c'est les cascadeurs, et c'est quelqu'un qui escalade un mur, quelque part, une façade. Donc à partir de là, voilà, il y a aussi le côté... on a découvert qu'en montrant ces films-là, tout d'un coup, ça me montrait une part belle, le plein air, là, ça me donnait une part belle à nouveau au cinéma dit un peu mis de côté, c'est-à-dire tout ce qui relève du cirque. Et le burlesque, surtout avec ce film-là, il y a une sorte d'hommage aux cabrioles, aux acrobaties involontaires, au Jackie Chan génial malgré lui, enfin voilà, c'est un peu maladroit dans le film. Oui, en fait, il est tellement dans la merde, il est tellement maladroit que ses maladresses, quelque part, deviennent de l'adresse et deviennent de l'acrobatie. Et on est tous là, on a peur qu'il tombe. Et donc, cette peur qu'il tombe, on oublie qu'il me dérange à cette heure-là. On veut tellement pas qu'il tombe que finalement, voilà. Et pour moi, c'est pour ça que ces deux films sont très intéressants pour ça. Sachant qu'il y a une représentation du public même dans Safety Last, parce que quand il grimpe sur l'immeuble, tous les gens sont en bas de l'immeuble. Exactement. Complètement ébahi, et ça représente un peu le public aussi. Il y a un autre film très proche, c'est 14 Hours de Henry Hathaway, et lui il marche moins bien parce qu'il est beaucoup plus verbal, mais en tout cas 14 Hours c'est exactement ça, c'est plein de gens qui regardent un mec qui menace de se suicider pendant 14 heures quoi. Ça fait long le suicide. Mais justement, on t'avait demandé un de tes premiers souvenirs cinéphiliques, où tu as éprouvé autre chose face à un film que juste du divertissement ou, entre guillemets, de la consommation. Et tu m'avais déjà parlé du film de Fritz Lang, La femme au portrait. Et tu m'as dit que c'était ce film-là qui t'avait aussi donné envie de voir plein de films. Donc je voulais te demander en quoi ce film, qui est un peu, au sens littéral, mais aussi dans sa composition, un rêve, et qui est très rocambolesque avec plein de retournements, à la fin on se dit c'est pas crédible, en quoi justement ce film te fait aimer d'autres films, parce que c'est pas un film cinéphilique comme on pourrait, dans le sens où ça te fait ça t'amène vers d'autres films, parce que j'ai découvert, pour moi La femme au portrait c'est la découverte d'un point de vue très particulier. Déjà le héros, il est d'une laideur incroyable, moi je connaissais pas du tout Robinson. Et particulièrement laid, et à la fois vraiment un acteur extraordinaire, mais vraiment c'est un de mes acteurs fétiches. Encore aujourd'hui, c'est un acteur vraiment. Je le vois, vraiment, c'est quelqu'un qui m'émeut, jusqu'à son dernier rôle qui est Soleil Vert. Je le trouve vraiment émouvant. Et puis même l'histoire, cette femme très belle, en tout cas très excitante, Joan Bennett, elle a vraiment un visage particulier, elle a quelque chose de très. On a envie de la baiser, clairement, non, mais disons les mots, elle est là, limite pour ça, pour créer cette envie, d'une autre manière que Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion, où bizarrement ils sont très proches. Mais là, c'est plutôt le versant psychanalytique, le film de Fritz Lang, que Sept ans de réflexion. Et ensuite, voilà, donc déjà, un mec aussi laid que ça soit le héros. Et ensuite, le jeu aussi, où le film, il est très fin aussi, sur à la fois, il y a plein d'humour, ce qui est assez étonnant pour un film de Fritz Lang. Moi, je trouve qu'il a vraiment énormément d'humour, qui est peut-être permis aussi grâce à Robinson. Qui est angoissant et, c'est flippant, mais en même temps, tu ris. Donc voilà, il joue tellement sur deux niveaux, un film à la fois réaliste, entre guillemets réaliste, voilà, c'est quelqu'un qui fantasme sur un portrait, qui est prof, voilà. Son meilleur ami, c'est crédible aussi, il travaille dans la police. Et en même temps, voilà, il y a ce côté, et puis même aussi cette rencontre très audacieuse que je trouve assez réaliste aussi. C'est pourquoi pas, voilà, cette femme avec qui, un peu, qui est peut-être éméchée à ce moment-là, lui aussi, ils vont baiser, quoi. Enfin voilà, tout simplement, ça arrive, voilà, il peut y avoir des rencontres comme ça. Et puis tout d'un coup, cette pulsion, c'est avec moi, une sorte d'amalgame, c'est tout d'un coup, au lieu de baiser, il commet un meurtre, quoi. Et pas, il tue pas la fille, il tue une tierce personne, quoi. Et je trouve ça super. Il y avait un truc qui était. Je voyais deux niveaux qui n'arrêtaient pas d'avancer ensemble. Et c'était jamais un truc trop juste simple, efficace, qui avançait, quoi. C'était vraiment deux trucs. Tu analysais le film, mais en même temps, tu suivais l'histoire. Il y avait deux problématiques. Une problématique double. Voilà, plutôt une problématique double. Et qui, à la fois, c'est drôle, à la fois, c'est osé. Je chantais que c'était osé, que je n'avais jamais vraiment vu ça. Je chantais clairement les enjeux sexuels du film. Alors qu'on est dans les années 40, dans mon souvenir. Ouais. Et à tout point de vue, je trouvais que ce film était une étrangeté qui me résistait et que cette résistance me plaisait. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Puis jusqu'à la fin, je trouvais ça super beau, le mec qui suicide. Et puis là, c'est une sorte de génie de mise en scène. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film, ou pas. Ouais. Enfin, le film, d'ailleurs, il est un peu connu sur cet effet technique très, très beau. C'est... la caméra qui s'avance sur lui parce qu'à mesure qu'il s'empoisonne, dans mon souvenir, et puis il meurt. Et puis en fait, entre-temps, la caméra elle s'est avancée sur le fauteuil, donc il n'y a plus le contour du décor. Et puis après, la caméra elle recule, on est dans un autre décor. Il n'y a pas eu de coupe. Et en fait, c'est tous les techniciens qui ont changé de décor sur le temps du gros plan sur Robinson qui est en train de, soi-disant, de se tuer, alors qu'en fait, c'était un mauvais rêve, tout ça. Enfin, on peut le voir comme ça, voilà. Et ben là, on passe à notre partie carte blanche où en fait on te demande de décrire une scène de film. Alors, comme si tu étais, si tu peux, sinon tu peux juste raconter la scène de film comme tu t'en souviens. Et tu nous as parlé d'un film que je connaissais pas du tout avant de le voir et qui est vraiment très beau, qui s'appelle Un grand amour de Beethoven, du cinéaste Abel Gance. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter la scène que tu as choisie et la raconter, s'il te plaît ? Alors, tu sais que ça fait une éternité que j'ai pas revu ce film. C'est pas grave, justement. Raconte comment tu t'en souviens. Déjà, c'est Harry Bore. Harry Bore, c'est un des plus grands acteurs des années 30 et 40 avant que. Enfin, il meure juste, je crois, avant même la libération de Paris. Ouais, 43 ou 44. Ouais. Et. Bon, c'est, voilà, c'est un personnage hugolien, Harry Bore. C'est un peu Rému. Alors, Rému, ce serait plus un personnage de Zola, quoi. Enfin, si on devait comparer avec des grands auteurs de littérature, voilà. Bah, c'est Jean Valjean, Harry Bore. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et même s'il pouvait être, on pouvait lui reprocher d'en faire trop des fois. Mais voilà, mais en tout cas, il a une présence extraordinaire, une voix extraordinaire. Et voilà, il joue Beethoven. Donc voilà, présence vraiment notable et hugolienne. Et voilà, je me souviens de son visage, son énorme visage. Et puis Abel Gance, c'est un cinéaste hugolien, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte de l'ambition, il n'a pas honte de la démesure. Et pour moi, c'est un vrai problème du cinéma français, c'est ne pas donner et pas continuer de donner la chance à des cinéastes comme ça qui sont un petit peu à notre, quelque part. On peut être fier sur plein de trucs, mais soyons fiers de ces cinéastes-là. Enfin, et encore aujourd'hui, Coppola, c'est lui qui donne de l'argent pour la restauration des films de Gans. Enfin, c'est voilà, y a que c'est quand même dingue qu'eux reconnaissent plus ces cinéastes-là que nous-mêmes. Enfin, je trouve ça complètement aberrant. Enfin, bref. Voilà, en tout cas, Abel Gance, il fait ce film que je trouve très beau et très lyrique sur ce visage d'Harry Bore. Donc, c'est Beethoven qui perd son nuit. Et voilà, il y a des plans qui sont très caractéristiques, on va dire, sur le plan sonore, que c'est comme un enfant de 3 ans, voilà, qui apprend à parler ou qui apprend à analyser la vie avec des puzzles ou des manuscrits pour enfants avec des dessins. Alors, ça, c'est un camion, ça, c'est. Voilà, au début, ça, c'est un carré, après ça, c'est un camion, et, enfin, pour t'apprendre le vocabulaire et ça. Et là, c'est vraiment un vocabulaire de cinéma. Alors, ça, c'est un gros plan, ça, c'est un plan large, mais aussi dans les motifs. Alors, ça, c'est un moulin, ça, c'est, ça, c'est une rivière, etc. Et c'est super beau comment, à la fois, je sais pas comment dire, il perd l'oreille, donc il perd quelque part. Ces images-là aussi, comme un aveugle, enfin, je ne sais pas comment expliquer, il perd une substance et en même temps, il réapprend. Voilà, c'était à la fois la perte de quelque chose et le réapprentissage ouais, autrement, quoi. Et tu ne vas jamais aussi bien voir et entendre ce que tu as devant les yeux qu'à ce moment-là, je trouve, ouais, du film. Et là, c'est magique. Et vraiment, à ce moment-là, on devient à la fois sourd et à la fois, on devient clairvoyant. Enfin, c'est très bizarre. Voilà, et je crois que Abel Gance, c'est un génie pour ça, quoi. Et peut-être même qu'il y a une mise en abîme sur peut-être qu'on perd avec le son aussi. Oui, c'est qu'il était traumatisé par voilà, la réalisation. C'est super beau, ce paradoxe. Enfin, voilà, dans sa mise en scène et son montage, il y a un truc qui se produit et de manière très simple et efficace. Et c'est ça la beauté de Gance. On dit que la simplicité, que c'est nul. C'est super dur d'être simple. Le plus dur, c'est d'être simple. Enfin, vraiment, hein. C'est, voilà, pour moi, il faut être un génie pour arriver à être simple et à une épure parfaite. Voilà, c'est comme Misumi à la fin, quand il y a ce combat-là. Il y a une épure qui veut tout dire, quoi. Mm-hmm. Ben là, pareil, dans cette séquence-là, il y a une séquence très simple, très conne, champ contre champ, à la con, tout ce que vous voulez. Mais là, tout est dit, en fait, quoi. Et il remet, il enlève le son. Ouais. Et c'est des sons bruts, comme tu dis. C'est comme des images d'enfants, des sons d'oiseaux, des sons de ville. Mais et justement, tu l'as mis en lien avec Les Moissons du Ciel, le film de Terrence Malick. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu fais le lien dans le film de Malick ? À quel moment, pour toi, Malick, c'est vraiment très inspiré de Il n'a pas honte de son lyrisme. Mmh. Ouais, il n'a pas honte. C'est un cinéaste de la démesure dans ce sens-là, Malick. Il n'a pas long. Enfin, il y a deux genres qui posent problème encore aujourd'hui, qui pour moi ont toujours posé problème. C'est. Pour les esprits cartésiens, c'est la satire et le mélo parce qu'ils étirent quelque chose. Et alors, il ne tombe pas dans le mélomanique non plus, mais tu sens qu'il n'en a pas peur, il pourrait y aller, quoi. Ça ne le fait pas peur du tout, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'adore la musique soul. C'est Malik comme la musique soul. C'est le grand écart, là. Non, mais parce qu'en gros, ils sont croyants. Enfin, clairement, il y a une mystique chez Malik. Moi, je ne suis pas croyant. Alors, peut-être que je crois en Dieu, mais je ne crois pas. Enfin, un mystique, je m'en fous, quoi. Enfin, tu vois, mais par contre, le temps d'une chanson soul d'Al Green ou de Donny Hathaway, je crois en Dieu. Hein. Vraiment, là, c'est clair et net, je suis croyant, quoi. Enfin, voilà, quand je veux dire, ils sont tellement portés par quelque chose. Ou quand j'entends The Emotions dans What's Tax, qui passe, du coup, dimanche pour la fête de la musique. Et ben là, là, moi, je suis ému. Là, je suis comme les personnes qui commencent à trembloter, etc. Enfin, je suis complètement porté, quoi. Et là, je suis croyant. Et voilà, Malik, c'est un très grand cinéaste pour ça. C'est-à-dire que là, je suis en immersion. Quand il réussit, je suis en immersion. Après, La Ligne Rouge, il y a un moment donné, oui, je suis en immersion avec ce cinéma-là, quoi. Et Gans, c'est pareil, voilà, il y a une mystique qui se crée, qui sont tellement à fond, ils ont peur de rien. Tu peux que les suivre. Et ben ouais, moi je les suis, il n'y a pas de problème, quoi. Et aveuglément, ou sourd, ou malentendant, qu'importe, j'y vais, quoi. C'est comme les joueurs de flûte, tu vois, de Hamelin, quoi. Ouais. Je suis comme les enfants derrière, pas de problème. Est-ce qu'on passe à notre rubrique cinéma et transmission? Et on sait que tu as fait partie de beaucoup de ciné-clubs, que tu as programmé beaucoup de films, et on t'a demandé si tu te souvenais d'une séance justement d'un film que tu as vraiment aimé montrer. Et tu nous as parlé d'un film assez peu connu de Monicelli, qui s'appelle, donc en italien, Romanzo Popolare, et en français, Romance et Confidence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une comédie à l'italienne. C'est un film qui a été très mal distribué en France. Aujourd'hui encore, il reste difficile d'accès, honnêtement. Ouais. Et c'est un film qui est sorti, je crois, en Italie en 74, et pour aller vite, je crois, en France en 78. C'est-à-dire que ces 4 ans sont... et pour moi, expriment très bien le rapport très chauvin avec l'Italie, de la France à l'Italie. Je pense inconsciemment et indirectement que la France est jalouse de la comédie à l'italienne. Et qu'elle a tout le temps revendiqué sa nouvelle vague, qui a plein d'importance sur plein de niveaux, etc., que je ne remettrai jamais en question, mais qui a fait énormément de tort, non seulement à des vieux films d'avant, que ce soit français ou autre, enfin, surtout français pour ça, mais surtout contemporain à la nouvelle vague. Ça a été très cruel de la part de la critique, et là, ça ne dépendait pas de la nouvelle vague forcément, mais une sorte de chauvinisme de la critique, de ne pas parler des très, très grands films de la comédie italienne qui ont réussi là où le néoréalisme a échoué en termes d'audimat. C'est-à-dire qu'elle reprenait des thématiques sociales très fortes, la comédie italienne, mais en disant on va arrêter de vous faire chier, de vous accabler avec le misérabilisme éventuel d'un mauvais film néoréaliste, parce qu'il y a quand même des bons films qui ne sont pas sur le misérabilisme, et on va vous faire rire avec. Et en gros, ça a marché. Et il faut savoir qu'on ne connaît qu'un film sur 5, alors que sur deux génies hein, de comédie italienne en France, quoi. Et Romanzo Popolare, il fera partie de ces films qu'on ne connaît pas. D'où le plaisir de l'avoir montré déjà, non ? Voilà, et pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est une sorte de vendetta par rapport à la critique française. Surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque où il a été fait, 74, Monicelli annonce la fin de la comédie. Et qu'en 78, je crois que c'est la sortie des Nouveaux Monstres. Alors autant lui il est bien distribué, ça marque la fin de la comédie italienne, c'est plein de cinéastes, c'est plein d'acteurs connus, etc. Donc voilà, ce film je pense qu'il a été plus ou moins bien distribué en France, mais voilà, Romanzo Popolare il se fait défoncer parce qu'il sort en 78 et que tous les critiques disent ouais bon il est bien gentil le petit Monicelli, mais on savait que ça a été fini la comédie italienne, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte avec son film, quoi. Enfin, et là t'es là, mais au-delà de ça en plus c'est les problématiques du chômage que ça évoque, la relation très particulière quand même entre un mec qui a je crois 50 ans ça, et une nénette qui a même pas 20 ans. Ouais, c'est ça, 18 ans. Ouais. Ouais. Et en même temps une très belle relation, fuck les tabous, merde putain, si les l'un et l'autre s'aiment et puis à la fin ils s'aiment pas, et ben voilà, et j'ai adoré aussi cette légèreté de ton et et même de jouer, comment il joue aussi sur la notion de suicide. À un moment il veut se suicider, mais c'est d'une drôlerie quand il se sert de la portière du four pour comme un coussin, il est mal à l'aise donc il change de position et finalement il ne se suicide pas parce qu'il est trop mal à l'aise pour se suicider. Je trouve ça incroyable de mettre du confort dans du suicide, enfin, je trouve ça complètement aberrant. Et c'est bourré de détails absolument génial. Et puis c'est aussi le jeu de jouer sur autant la comédie, c'est un genre un peu malfamé dans toute nationalité comprise pour l'intelligence et la critique. Mais autant, il va en plus, Monicelli, il va utiliser quelque chose qui alors là, est vraiment conspué à l'époque par cette intelligence critique, qui est le roman photo. Et là, il va carrément adapter des idées absolument géniales de mise en scène. Il va adapter ce que c'est que le roman photo. Alors, l'arrêt sur image, le commentaire off, hein, c'est cool, enfin, et puis même cette amourette, comme ça, le rapport de l'image, etc., même le traitement de l'image. Milan, comment Milan est filmé, et pour moi, c'est un film exceptionnellement magique, parce qu'il parle réellement au peuple, et d'ailleurs, quand vous montrez un public normal, et moi, j'ai pleuré, c'était un kinoclub, j'avais montré le film, et là, au début, je me suis dit, je suis snob de montrer un film que personne ne connaît. Alors, évidemment, Hugo Tognazzi, ça dit quelque chose, La Grande Bouffe, La Cage aux Folles, ou Ornella Muti, voilà, cette sorte de bombe comme ça, italienne. Je suis sûr qu'il y en a qui ont peut-être vu Les Nouveaux Monstres, ou en tout cas un autre film comme ça, ou une connerie comme un film français, La Pédale Douce, ou je sais plus, elle a joué dans une connerie comme ça, je sais plus. C'est pas Pédale Douce, c'est un truc, c'est un film à la con comique comme ça. Enfin bref, peut-être que les gens ils connaissent un peu son visage, mais auquel le film ne dira rien à personne. J'étais terrorisé pour me faire traiter de snob du cinéma ou je sais pas quoi, et en fait tout le monde rigolait, là où pour moi je rigolais aussi, quoi. Et tout le monde comprenait en plus le film, quoi. Enfin, et j'étais super ému, quoi. Voilà, et je voyais que tout le monde partageait un truc de fou ensemble. Et là, je me dis, ce film, en effet, je suis pas snob, mais en fait, ce film est génial, vraiment génial à tout point de vue, quoi. Et voilà. Et de l'importance de l'industrie. Ouais. on t'a demandé ensuite, donc un film que tu as déjà cité plusieurs fois là depuis une heure, c'est le film indispensable à montrer à tout adolescent. Et tu nous as répondu Carrie, de Brian De Palma, qui est quand même un film très triste, je trouve. Enfin, il est plus que d'être un film d'horreur, c'est un film infiniment triste sur le genre humain et le passage à la puberté et à l'adolescence. Donc pourquoi indispensable ? Indispensable parce que ça parle aussi du racisme. Et que je trouve ça ultra fort de la part de Palma de non pas prendre voilà, une petite afro-américaine ou une petite indienne, ce qui serait vraiment très cliché. Il prend quand même l'icône catholique, par exemple, de la Vierge Marie. Enfin, voilà, elle a vraiment les cheveux, le visage. Ouais, ça se passait, quoi. Elle a quelque chose de très perturbant. Et tout d'un coup, c'est elle qui, en plus, qui est très belle, qu'on voit même nue et trop bien foutue, et qui est complètement exclue. Elle pourrait être la bombe à la rigueur du lycée, et il en fait, et il arrive à rendre crédible ça, en plus de ça qui est très fort, c'est qu'il arrive à la rendre le vilain petit canard à tout point de vue. Et là tu te dis, ok, notre société, là le film parle vraiment clairement du racisme, et il vise, voilà, qu'est-ce que c'est que le racisme en fait. Si c'était quelqu'un de trop, voilà, parce que c'est un film WASP américain, etc., ce serait trop évident, et ça marcherait pas, je pense, honnêtement, ce serait trop démonstratif. Mais le fait qu'il prenne vraiment l'icône chrétienne, donc c'est comme s'il prenait, si on mettait un mec, ce serait le Christ, quoi, voilà, comment il en prend plein la gueule. Enfin, là, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, c'est toute forme de marginalité peut se retrouver dans Carrie, et qu'on puisse nous projeter aussi toute forme de marginalité dans ce personnage-là. Et c'est très, très fort. Et c'est là où c'est intéressant. Et après, là, où c'est beaucoup plus riche, en plus, contrairement, en plus, il attaque un tabou qui est qui est des règles, et moi je connaissais pas du tout ça. On c'est la scène d'ouverture, en parler. Ouais. Là, on peut pas y échapper, quoi. Et ce qui est très beau, c'est que pour passer ce tabou-là aussi, il utilise le fantastique. C'est-à-dire qu'à mesure, on la découvre la première fois ses règles, elle découvre son pouvoir de télékinésie. Donc il arrive non à maquiller, mais pas cacher non plus la première fois. Donc en plus, c'est une leçon de cinéma aussi. Enfin, déjà, c'est une leçon de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que ses règles, etc. Et puis c'est une leçon politique, parce qu'en gros le film, oui, il est terrible, et je suis d'accord avec toi, mais en même temps il faut être terrible au cinéma pour essayer de conjurer notre réalité de merde. C'est dire quand même, c'est fou, cette société américaine est tellement pourrie qu'elle rend finalement raison, elle donne raison finalement à la mère. Et là tu dis, ça va mal, ça va très très mal. Finalement elle avait raison la mère quand elle dit, ils se moqueront tous de toi, qu'ils vont te faire du mal. Et ben oui, ils lui font du mal, quoi. C'est que la société américaine, elle crée en effet... des corps parfaits comme ça, avec tes corps qui est très intéressante, cette séquence, ils font tous des pompes. Il faut le corps de la poupée gonflable parfaite qui est manufacturée comme ça à l'infini. Et alors que la mère de Carrie, c'est vraiment l'artisanat, quoi. C'est vrai. Elle coule même. C'est très singulier. Donc c'est très particulier que le film donne raison à une fanatique, hein, une terroriste, hein, clairement. Hein, c'est une terroriste, hein, à ce niveau-là, la mère de Carrie. Et le film ne dit pas que c'est un personnage positif, mais il dit que cette société américaine est beaucoup plus pernicieuse et nuisible que cette femme-là. Et là, Là, la critique de Palma, elle est d'une force extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Stephen King préfère même le film à son propre roman. Parce que son roman, il l'avait jeté au départ. Et c'est sa femme qui a récupéré le roman et dit « Mais t'es con ou quoi? Tu peux essayer d'en faire quelque chose ?» Et en effet, c'est le bouquin de Stephen King qui a révélé Stephen King, doublé par la réussite commerciale du film Carrie. Oui, c'est la première adaptation de Stephen King. Ouais. Et qui a révélé vraiment Stephen King. Enfin, la carrière, on lui connaît grâce à ça. C'est grâce à sa femme qui a sauvé le bouquin de la poubelle, quoi, le manuscrit, parce que c'était pas encore un bouquin. Et puis après, grâce à De Palma qui a apporté une dimension. Qui a permis la médiatisation encore plus de Stephen King. Quoi. C'est toujours difficile de rebondir après Carrie. Surtout que le film dont on va parler après n'a aucun lien, je pense. C'est un film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais. C'est vrai que la question est un peu perverse aussi. Alors non, vous trichez, parce que vous m'avez dit il faut recommander. Moi, je dis je recommanderai jamais, mais bon, j'ai joué le jeu, mais non, je recommanderai absolument jamais. Oui, non, bien mais sûr que non. Mais... Il est intéressant à voir, enfin justement avec ta critique en tête. C'est ça. Et donc c'est le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Qui est un des seuls films récents que tu nous as cité dans tout questionnaire, quand même. Et justement, si t'as envie. D'en dire du mal, c'est le moment. Non, mais après, moi, je suis dans la vraie précarité. C'est pour ça que je vois pas de films au cinéma. J'en vois plus, malheureusement. Peut-être pour ça que tout ça, c'était pour juste me rattraper. D'occuper un cinéma, c'est tout ça pour me rattraper et voir des films, en fait. Non, blague à part, en fait, je m'en suis... Au début, c'était très bizarre avec ce film-là. Au début, j'ai eu envie de faire qu'il y avait un film qui s'appelait Joker. J'avais trop envie de le voir. Ensuite, j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas du tout envie de le voir. Ensuite, j'ai eu plein d'échos partagés du film. Donc du coup, j'ai eu trop envie à nouveau de le voir. Et puis là, j'ai fait, il est sorti en DVD, tout ça, pendant le confinement, je sais pas quoi. Donc après, quand on pouvait un peu s'esquiver, que les JBR, Joseph, tout ça ouvrait, toutes les conneries, où c'était facile, en gros, d'avoir le film, etc. Au lieu de télécharger, je me suis dit, allez, je vais me l'acheter, je vais me l'offrir. Parce que moi, je crois encore à l'objet, c'est comme des penses bêtes, les objets de films, soit des VHS ou des DVD, quoi. Et du coup, je me le suis fait ici avec un occupant comme moi, et puis lui, qui l'avait déjà vu, il voulait le revoir. Et puis, donc, du coup, je découvre le film, et puis je me dis, qu'est-ce que c'est que ce film? Et en fait, ça me terrorise, ces films-là. En fait, c'est vraiment les films qui me donnent presque envie d'arrêter de vouloir faire des films, ou même de voir des films. En fait, j'en veux, au-delà du film, j'en veux à la critique ou au public, qui cautionne ça, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. On est arrivé à un stade où normalement il y a eu tellement de bons films, il y a eu tellement de choses qui se sont passées à tout point de vue en termes de cinéma, etc. Mais comment on peut ne pas voir ce qui est horrible dans ce film? Enfin, même d'en parler, ça me pose problème. J'ai l'impression que tout d'un coup, un prof, alors pour moi, c'est même pas ça, c'est nauséabond. Ouais, enfin, je trouve que c'est juste nauséabond. C'est comme enfin. Déjà, c'est la dimension misérabiliste du film. On voit que c'est pas du tout sincère. Enfin, y a rien d'honnête. Enfin, moi, la scène pour moi qui est clé, je sais pas si je vous l'avais écrit, mais c'est la scène avec la mère avec son enfant dans un bus, et puis ou dans le métro, je sais plus, qu'importe. Enfin, dans un bus, je crois. Lui, il fait des grimaces au gamin qui est trop mort de rire, etc. Quoi. Et puis la mère, elle se retourne, laissez mon fils tranquille. Et à partir de là, tu sais que tu vas passer un sale moment. Cette scène, je la trouve tellement exécrable déjà, tellement forcée dans le trait. Et puis il se fait massacrer par des enfants. Déjà, comment il se fait massacrer par des enfants au début, je trouve ça malhonnête dans la mise en scène. Même dans le jeu du comédien, que j'adore ce comédien, pourtant, c'est pas son souci, mais c'est comment il est dirigé, tout est forcé. Toutes les scènes de glace où avec l'éclairage, il contorsionne son dos pour en faire un truc de camp de concentration de la mort. On sent tout le narcissisme malsain de l'ado qui est mal dans sa peau et qui aime bien se regarder comme ça. Enfin, il y a un truc d'une complaisance qui, moi, à un moment donné, ça me pose problème parce que ça parle aussi à des vrais gens qui sont mal aussi. Et je trouve que c'est vraiment traité de manière ultra malhonnête à ce niveau-là, quoi. Et que je trouve qu'il y a... C'est exactement comme Charlize Theron quand elle fait Monster. Enfin, Monster, il m'a posé problème ce film parce que Charlize Theron, elle s'est amochée. Alors je l'ai revu, je suis moins négatif avec ce film Monster qui en fait est plus sensible que je l'imaginais quand je l'avais vu. Mais il y a en tout cas ce cliché très acteur studio de je m'amochie pour ressembler à, voilà, enfin, alors que la psychopathe réelle dont s'est inspiré Charlize Theron pour le film, elle était vraiment pas laide, quoi. Ouais. Sauf qu'elle avait un problème au pif, à la rigueur, si on veut jouer la chirurgie esthétique, parce qu'elle s'était fait, en fait, un peu amochée par un couteau voilà, d'un mec, quoi. Donc il lui avait un peu... Donc elle a poussé le truc dans... Et elle, voilà, ça a rendu du poids, je suis super gros, Et enfin, voilà, c'est le truc qui m'énerve. Et là, pareil, la manière dont est dirigé Joaquin Phoenix, ça me pose problème. Et puis après, il y a, voilà, c'est les personnages qui tirent leur plus leur épingle du jeu. En fait, c'est des gros friquets. C'est Thomas De Niro. Wayne. Hein, ouais, c'est Thomas Wayne, déjà. Bon, l'acteur qui joue Thomas Wayne, qui est vachement bien, d'ailleurs, l'acteur. Mm. Je ne l'avais jamais vu avant. Et, mais voilà, on comprend son discours, il est clair, etc. Il a une vraie pensée, etc. pendant le film. Je peux comprendre qu'il ne soit pas d'accord avec le Joker ou je ne sais pas quoi. Pareil pour le personnage du présentateur. Enfin, voilà, c'est un mec qui est au pouvoir, il est malhonnête totalement, etc. Mais à un moment donné, il peut avoir un discours qui peut se comprendre. En tout cas, on peut l'entendre, ce discours. Mais on n'entend jamais le discours de l'autre côté, du côté du Joker. Comme si, d'être dans la misère, on est forcément débile. Il y a vraiment, c'est comme si on était forcément des sortes de morts-vivants débiles qui n'ont pas de réelle pensée. Et puis même la maladresse sur le plan de la mise en scène me posait problème aussi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on a deux fins à la fin du film. On a une fin où on le porte au nu, ce Joker, etc., où tous les débilos qui n'ont aucune pensée politique, en tout cas rien ne prouve dans le film qu'ils ont une pensée politique. Au contraire, sont juste une sorte de bande qui sont prêts à lyncher n'importe qui, n'importe quand. Il est porté au nu, et puis tout d'un coup, on est dans une fin à la Science des Agneaux, où le mec il s'évade d'un hôpital psychiatrique. Tu racontes quoi en fait, quoi ? Enfin, qu'est-ce que tu nous racontes en vrai, quoi ? Enfin, en fait, tu racontes rien. Tu spécules sur la réelle misère, aussi bien sur le plan formel que narratif. Et moi, là, à partir de là, ça me pose problème. Et là, ça me pose d'autant plus problème que j'ai vraiment l'impression que ce cinéaste-là, c'est un petit bourgeois qui sort d'Hollywood et qui va faire, comme par hasard, une sorte de premier film fantasmé au sortir de la fac, quoi. Enfin, il y a un truc qui me fait cet effet de retard à retardement comme ça que je trouve très bizarre. Enfin, j'en parle mal, mais non pas du mais, tout. Mais justement, moi je trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi de façon générale, mais sur l'accueil critique, en fait, même si toute une partie de la critique l'a portée au nu, il y a quand même d'autres journalistes, d'autres critiques qui ont pointé le côté douteux politiquement du film, justement. Et oui, mais moi, c'est même pas douteux, c'est y a même pas de doute, en fait. C'est là où ça me pose problème, en vrai. D'accord, tu vois, ouais, je vois ce que tu veux. Alors, c'est là où ça me pose problème. C'est justement qu'il n'y a pas de doute, enfin, justement qu'il soit douteux, je veux dire. Pour moi, le doute est super important, et le doute, pour moi, c'est, en général, c'est des bons films. Oui. Et pour moi, c'est pas le cas du tout avec ce film-là. C'est comme, je sais pas, moi, Amélie Poulain, la carte postale de la petite bourgeoisie montmartroise, enfin, je trouve ça flippant. Et en même temps, finalement, j'ai peut-être plus, au regard du Joker, j'ai plus de respect pour Amélie Poulain, finalement. Parce que c'est juste une grosse pub dégueulasse, Amélie Poulain, mais au moins, elle ne va pas jouer sur la misère d'autrui. Au contraire, elle l'occulte volontairement, elle l'accélère même, à un moment donné. Quoi, c'est quelque part moins malhonnête, quoi, finalement, que le Joker. Alors que, ouais. Alors que là, le Joker, moi, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment... En colère, mais faites montrer ce que c'est que la précarité, connard, quoi. Enfin, vraiment, il y a un moment donné, ces deux personnages pseudo-burlesques physiquement, avec ce nain et puis ce gros bonhomme, enfin, ils sont minables, quoi. Enfin, vraiment, il y a une sorte de complaisance dans leur dimension minable. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, quoi. Vraiment, aucun des personnages, et même le Joker lui-même, il n'est même pas là pour se sauver lui-même, quoi. Et je me dis, c'est pour toi, c'est ça la précarité. Et on sent en fait réellement que ça lui fait peur, la précarité, mais pas dans le bon sens du terme. Et finalement, ça crée un discours extrémiste comme quoi il faut l'éradiquer. Ouais. Mais pas l'éradiquer dans le sens il faut faire des progrès politiques pour faire que tout le monde soit au même niveau, pas du tout. C'est l'éradiquer, il faut tous les buter. Enfin, vraiment, il y a presque un truc sournois que te crée le film, un discours sournois que te crée le film qui me pose problème, en fait, quoi. Et qui me fait peur. Après, justement, on parlait du retour critique, etc. Et tu disais qu'on n'entendait pas le parti du Joker. On l'entend au moment de la présentation télé. Enfin, il parle et il a un discours cohérent à ce moment-là. Mais ça vient trop tard et c'est sans contexte. Enfin, les deux seuls contextes qu'on a, c'est les journaux qui disent « Ah bah, les riches » et le problème des ordures qu'on entend dès le début. Ouais. Mais sinon, c'est, entre guillemets, les seules raisons pour lesquelles la ville et les gens pourraient se révolter. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que certes, il y a eu un retour douteux. Pour le coup, c'est le retour qui est douteux de la presse et de la critique et des spectateurs. Mais les gens s'en sont emparés. Enfin, c'est un film qui était vide. Enfin, moi, que je trouve vraiment vide, il se construit là-dessus. Mais les gens, en fait, l'ont rempli avec toutes les manifestations qui s'est passées après. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est un film qui dépasse totalement les salles de cinéma. Et enfin bref, je sais pas si... Oui, ouais, j'aime tellement il a été réapproprié les... par des moments très différents en plus. J'aime tellement le cinéma que ça m'énerve qu'un mauvais film, il prend, on va dire, le succès, même le succès critique de vrais grands films qui sont encore dans l'oubli aujourd'hui. Enfin voilà, moi j'ai découvert, grâce à un ayant droit qui m'a donné les propos, enfin il m'a permis la projection d'un film, c'est Le Point du Jour de Louis Daquin. Et vous rendez pas compte, mais le film va disparaître. Parce qu'il n'est pas restauré, qu'on restaure toujours les mêmes conneries, quoi, avec cette crétinerie du Joker. Ce qui m'énerve, c'est la projection aussi. C'est-à-dire que tous les 10 ans, il sera restauré, ce film-là. Et que voilà, il y a des films qui sont 10 fois plus beaux, 10 fois plus importants, mais même au-delà même de l'histoire du cinéma, au niveau de comment on vivait à une époque aussi, quoi. C'est-à-dire ce qui se passe dans les mines, quoi, en 49. Donc c'est un film de 49. Louis Daquin qui a été assistant chez Grémillon. Et c'est un film par rapport à ses appartenances à la CGT, donc politiquement, qui n'a pas pu faire les films qu'il voulait, de l'envergure et de l'ambition qu'il voulait, alors que c'était une forme de néo-réalisme français. Et pas du tout misérabiliste non plus, c'était vraiment de la poésie et du social. Vraiment, c'était à Grémillon, quoi, poésie et social. Et que ce film-là, voilà, moi j'ai vu dans une bêta SP, franchement limite, mais presque dégueulasse, non, mais disons-le, dégueulasse. Et voilà, au lieu de restaurer ces films-là, on va restaurer voilà, des films comme Le Joker et compagnie, et ça me rend fou en fait. Et je suis d'accord que c'est beau de voir ça, mais pourquoi ce ne seraient pas des bons films qui pourraient être remplis? Il y a toujours, dans les bons films, il y a de la place pour ça. Mmh. On peut le remplir, un bon film, quoi. Et pourquoi ça doit être des mauvais films? Vous voyez, en effet, comme Amélie Poulain, qui doivent avoir cette fonction-là. Et moi, c'est ça qui me chagrine. Je trouve que c'est injuste, en fait. C'est là où moi, je me rebelle. Je trouve ça injuste, voilà. Mais je suis d'accord, il faut relativiser, il faut optimiser. C'était pas de la relativisation, je sais pas si le mot est français, mais voilà, c'était plus... le film est vide, et pourtant, les gens l'ont rempli, et tu vois, enfin... Je ne sais même pas si on refera le lien après le film. C'est juste qu'il a pris une autre dimension, il est devenu politique. Et c'est le symbole plus que le film qui est devenu important. Et c'est plus ça qui m'interpelle. Mmh. Et ce n'est pas pour le relativiser. C'est juste ça m'interpelle. Et tu dis, il y a de la place dans les bons films. Et je suis d'accord parce que les bons réalisateurs laissent de la place aux spectateurs pour réfléchir et pour penser. Là, pour le coup, le film était totalement vide. Et donc, on avait toute la place de s'en saisir et de lui faire dire n'importe quoi, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Ouais. Mais on va passer à des choses qui te raviront plus, j'espère. Des films agréables. Qui sont tes films refuges que tu nous as aussi cités en nombre. Oui. Et je laisse Clément prendre la suite. Justement, tu nous as cité des films très différents, ou pas forcément d'ailleurs, justement. Je pense notamment dans tes films refuges à Blue Collar ou 14 Way, entre lesquels j'arrive à faire le lien, par exemple. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur ces deux films pour commencer à évoquer tes films refuges? Après, c'est... C'est marrant, c'est Blue Collar. Toi-même, en isolant ces deux films, ça me fait en effet créer un lien entre les deux, et puis même entre un troisième que j'ai peut-être cité plus tard ou avant, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qui est beau avec le cinéma américain, des fois, c'est en mélangeant certaines cultures, parce que c'est plein d'immigrés différents, en fait, l'Amérique, c'est ça qui est intéressant, mais c'est aussi... Ce qui me touche, c'est des fois, j'ai l'impression, alors je vais faire de l'autothérapie de ma tête, mais... C'est le moment. c'est marrant, mais j'adore en fait, inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, les films américains qui me font peut-être penser à la philosophie martiale asiatique, que ce soit même un martial, c'est-à-dire des sabres japonais. Sachant qu'il y a la lame diabolique et Zatoichi aussi ouais, dans tes... Ouais, et en fait, c'est ça qui est très beau, c'est... Si tu veux, même dans l'écriture, tu vois, Tom Sawyer, j'adore ce roman quand j'étais petit, c'est mon préféré quand j'étais môme. En fait, Tom Sawyer, c'est trois mômes. Il faut savoir que c'est trois mômes. Et donc, Mark Twain, il a écrit autour de trois mômes, dont lui-même, je crois, pour créer un seul personnage. Et ce qui est intéressant dans Blue Collar, c'est donc trois personnages, mais qui représentent, on va dire, voilà, le milieu ouvrier à Détroit par rapport à des syndicats, comment ils sont bouffés quoi, par les syndicats qui abusent. En fait, de quoi. Et vraiment, les trois sont très intéressants parce qu'à la fois, c'est ça l'amitié aussi, quoi. C'est trois corps très différents qui reprennent une seule chose, quoi. Et voilà, ben, le cinéma, par exemple, de Crippled Avengers. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup de Chang-Chi. Je ne l'ai peut-être pas cité dans le film Refuge, que ce n'est pas un film Refuge, mais pour moi, c'est un film qui synthétise énormément ces choses-là. C'est, en gros, pour aller vite, c'est plusieurs sabreurs qui se font victimiser, qui ne se connaissent pas, qui se font victimiser par un grand méchant, en gros. Alors, le grand méchant, à l'un, il lui coupe les jambes, à l'autre, il lui rend aveugle, à l'autre, il le rend sourd, enfin, à l'autre, je ne sais pas quoi, etc. Et ces corps estropiés, en fait, qui savent quand même se battre et qui se sont fait quand même laminer, ils vont en gros se réapprendre à se battre selon leur manque, mais selon aussi la force de l'un et la force de l'autre, et ils vont se compléter en gros, et ils vont devenir un seul et même corps, mais même littéralement quoi. Enfin voilà. Mmh. Et du coup, c'était magnifique parce que la fin, ils combattent ensemble et ça devient un seul et même corps, comme Bioman, toutes ces conneries là. Mais là, c'est beaucoup plus beau parce que là, oui, c'est de la chorégraphie, c'est vraiment, ils font des figures où ils deviennent une sorte de force centrifuge extraordinaire. Et qui va finalement venir à bout du grand méchant, quoi. Et c'est tellement beau ce que ça raconte en termes d'amitié, en termes d'unité, des forces, etc. Et si tu veux, c'est la beauté de Cutter's Way, c'est aussi ça. C'est, alors là, c'est un geste, mais c'est un geste. C'est la beauté d'un geste. Et tout est dans un geste, parce que le film, il rend ouf avec Jeff Bridges, qui peut-être trouve là son contre-emploi et peut-être l'un de ses meilleurs rôles. Et vraiment, t'as envie de le tuer pendant tout le film, parce que, mais en même temps, il est tellement crédible, parce que ça existe des gens comme ça qui délèguent ou qui remettent à plus tard leur putain de responsabilité jusqu'à se foutre dans une merde colossale. Et en même temps, il y a ce personnage Cutter's Way qui est l'enragé, mais qui est en même temps un personnage qui n'existe pas, qui est presque le monstre de Jeff Bridges, quoi. Il y a, il y a un personnage presque, il est trop littéraire ce personnage, mais il est génial pour ça. C'est le fantasme de t'as envie de dire quelque chose tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé. Ah, non, t'es poli, tu le dis pas. T'es poli, tu vas pas le dire, quoi. C'est ça. Et lui, non, Cutter's, il le dit direct. Il tape là où ça fait mal, etc. Oui, c'est sûr que c'est un vétéran du. Ouais, mais comme l'année du dragon. Comme Stanley White, joué par Mickey Rourke dans l'année du dragon, ils disent tout ce qu'ils pensent tout de suite. Ils détestent la léthargie. Quitte à ce qu'on me prenne pour un facho, eh ben qu'on me prenne pour un facho, j'en ai rien à foutre, mais je ne supporte pas la léthargie. Je ne supporte pas, c'est la mollesse là de penser à côté, le confort de la pensée, etc. Et ce qui est super beau dans Cutter's Way, c'est le. Ce personnage pas fini quelque part, parce qu'il a été fini, mais la guerre du Vietnam l'a rendu, on va dire, dans une forme d'avorton bizarre, une sorte de monstre comme ça, de quasimodo bizarre. Enfin, toute la partie gauche de son corps est complètement sévère, quoi, de toute façon. Et ce qui est très très beau, c'est la contamination d'un geste. Tout ça pour qu'enfin, Jeff Bridges, et ça, c'est moi, il me fait pleurer à ce moment, hein, il prend l'arme de son pote et il tire. Via sa main, en fait. Il devient la prolongation du geste, quoi. Et alors, tout, c'est trop beau, quoi. Enfin, tout ce film, en fait, c'est une musicalité pour ça, hein. C'est vraiment pour qu'il ait enfin un fils sur la gâchette, quoi. Non, mais c'est très beau. Mais alors, justement, moi, si je faisais un peu le lien entre Blue Collar et Cutter's Way, au-delà du fait que ça parle d'amis, tout ça, c'est que, bon, ils ont été réalisés à 3 ans d'écart, à peu près. Et en plus de proposer un peu des incursions dans le genre, donc une enquête, des films policiers, des choses comme ça, ils ont une vraie dimension politique, un vrai engagement aussi. Et est-ce que toi, justement, c'est des valeurs qui sont un peu des formes de refuge pour toi aussi? Ah oui, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Ouais. Enfin, tout simplement, que tu te trompes ou pas, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, tu vois, Blue Collar, il y a deux idéologies différentes à la fin, parce qu'il y en a un qui malheureusement se fait tuer, se fait assassiner. Mais voilà, les deux autres, enfin, ils ont leur raison, hein. Enfin, oui. Mais ils vont jusqu'au bout. Voilà. Mais voilà, malheureusement, pour moi, le vrai personnage qui aurait pu sauver la mise, c'est celui qui meurt. Oh. C'est celui qu'on assassine en premier. Et du coup, il y a un corps malade et un corps qui est foutu, en fait. Dès la mort de Yaphet Kotto, bon, c'est foutu. Enfin, tu sais que c'est foutu. Oh. Enfin, même comment son personnage est traité, etc. Même s'il peut dire des fois de la merde, etc. Tu sens qu'il a il a les épaules et il a la tête sur les épaules aussi. Et mais c'est surtout après par rapport à la pensée idéologique, etc. Oui, moi, enfin, c'est Cutter est important, ouais. Mmh. Pour moi, c'est qu'importe qui se trompe, quoi. C'est en effet c'est comme Mel Vivant Peebles. Il y avait je crois que c'est un ours pour le FBI. En gros, il disait je remercierai surtout tous ces fils de pute qui m'ont dit tu n'y arriveras pas, quoi. Et Melvin Van Peebles, du coup, il dédie son bouquin à tous les fils de pute qui lui ont dit tu n'y arriveras pas. C'est ça, et qui est un cinéaste africain-américain, cinéaste qui a fait Sweetback, Badass Fool. Afro-américain, Et voilà, pour moi, tout est dit là-dedans. Et en effet, tout combat, je le dédie à ces fils de pute qui m'ont dit j'y arriverai pas. Et il a raison, quoi, parce que c'est contre ça qu'on se bat, en vrai, quoi. Pour moi, c'est le vrai mal, en fait, c'est le confort, c'est la bienséance, c'est le politiquement correct, c'est toujours être du bon côté, etc. Et des fois, en fait, tu fais plus de mal. Des fois, pour faire le bien, il faut faire le mal. C'est comme ça. Enfin, il y a un moment donné où je sais pas, tu... Ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, Schrader, il l'a dans son merde, dans son... Je sais pas, un remake, dans sa suite, là, d'Exorciste, celui qui a été finalement complètement conspué. Et le début est magnifique. Il y a vraiment cette question-là pour faire des fois, pour faire... on est obligé de faire le mal pour faire le bien. Et en plus, c'est un curé qui le... c'est la problématique, elle est sur un curé. C'est super intéressant, quoi. Mais voilà, la vie est plus riche que... Il faut choisir son camp à droite et à gauche, quoi. Il y a aussi une énergie, et qu'on ait des énergies, quoi. Justement, Blue Collar, 14 Way, c'est des films très engagés, mais qui ont, politiquement, qui ont quand même une certaine subtilité. Et tout en se souvenant de l'engagement, on se souvient de leur complexité aussi. C'est ça qui est très intéressant, ils ont une richesse. Bah après, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'avec Blue Collar, c'était que je crois que Schrader, à l'origine, c'est quand même un cinéaste plutôt de droite. Hein. Mais oui, en écrivant Blue Collar, même en le filmant, il a fait un film de gauche. Oui, mais complètement. Je trouve ça super beau. Voilà, ce passage comme ça. Et je crois même lui, il en rigole parce qu'il l'avait vraiment écrit comme d'un point de vue vraiment particulier. Voilà quoi. Ouais, je trouve ça assez drôle. Ouais. Et moi, je voulais juste revenir plus largement parce que tu nous as vraiment cité beaucoup de films. Et juste pour savoir, qu'est-ce que c'était Refuge pour toi? Parce que tu nous as dit que tous ces films dépendaient aussi des moments où tu te trouvais. Et enfin, c'est quoi? Enfin, c'est quoi un refuge pour toi? Et quand est-ce que tu les vois? Je sais pas. C'est comme les trucs d'arts martiaux de combat. C'est chaque moment où je vais mal ou une situation qui va me rendre mal va me demander pas forcément de voir le même film. Enfin voilà, c'est très compliqué quoi. Donc t'as pas un film où tu sais que tu vas. Enfin, t'as plein de films où tu sais que tu vas être bien, mais t'en as pas un où tu sais à chaque fois tu vas le mettre et ça va. C'est un film pour une solution de la vie et ça change tout le temps. Oui, alors après non, quand je vais vraiment mal déjà, enfin je n'arrive pas à voir de film. Donc c'est ça la tragédie, c'est que j'ai pas de film refuge dans ce sens-là. Quand je vais vraiment pas bien, y a pas de film qui existe pour me faire aller mieux quoi. À la rigueur, ce serait d'enfer. Voilà, ce serait plutôt ça le refuge quoi. Refuge ultime. Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est très bizarre. Bah, merci Derek. Merci à vous. Toutes ces réponses. On va en profiter pour remercier Anna Mandico pour ses illustrations, Gabriel Régnier pour la musique, et bien sûr le cinéma La Clé qui nous a accueillis aujourd'hui dans sa salle du bas pour enregistrer. La Clé qui est un cinéma occupé en ce moment par des cinéastes, des professionnels du cinéma qui essaient de le faire vivre pour... parce que c'était le dernier cinéma associatif de Paris, comme on l'a dit au départ, et qu'il allait être vendu par la Caisse d'Épargne, enfin le CE de la Caisse d'Épargne qui le possède. Et Derek et son équipe font en sorte d'en faire un lieu de cinéma, de résidence. Et ils sont, dont le procès a été redécalé au 21 septembre. Donc venez voir des films et venez les soutenir. C'est tout bon. Oui, alors du coup, c'est La Clé. On a le nom temporaire de l'occupation, c'est La Clé Revival. C'était Survival pendant le confinement, et là, ça redevient Revival à partir de lundi. Voilà. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup, Derek. On va voir le film.